Chapitre 3. Les contrats. À peine Ophélie eut-elle redescendu les marches de l'estrade, déséquilibrée par son écharpe, abasourdie par ce qui venait de se passer, qu'un violent flash de lumière l'aveugla. C'était la première fois de sa vie qu'elle était prise en photographie, et il fallait que ce fût au moment où elle avait l'air le plus découragée. Sa boîte noire sous le bras, enveloppée d'une fumée de magnésium, le photographe fonça à sa rencontre. Il s'agissait d'un mirage chauve comme un œuf et bouillonnant comme une marmite. « Mademoiselle l'animiste, je suis Monsieur Tchekhov, le directeur du Nibelungen, le journal le plus lu de toute la Citatielle. Pourriez-vous répondre à quelques questions ? Notre seigneur Farouk vient de vous nommer vicomteuse, » enchaîna-t-il sans laisser le temps à Ophélie d'accepter. « Aurez-vous les épaules pour rivaliser avec l'excellentissime Eric, notre compteur en titre ? Il vous faudra beaucoup de talent pour partager l'affiche avec ses époustouflantes pantomimes. » Personne en 40 années de spectacle n'a jamais tenu la concurrence face à lui. Quelle est votre stratégie pour défendre votre place sur scène ? Ophélie ne savait pas comment ce directeur de journal s'y prenait, mais elle avait trempé sa robe de transpiration rien qu'en l'écoutant. Une scène ? Parce que, en plus, elle devrait se produire sur une scène. Pour ne rien arranger, les courtisans la dévisageaient avec froideur dans l'attente de sa réponse. À son soulagement, tout le monde cessa de s'intéresser à elle quand, en haut de l'estrade, Farouk posa un diadème sur la tête de Bérénilde. Les mirages applaudirent ce couronnement du bout des doigts. En voyant Bérénilde ainsi parée de ses diamants, les joues roses et les yeux brillants, magnifiés par la luminosité éclatante de la verrière, avec pour toile de fond les palmiers et les bougainvilliers, Ophélie crut contempler une reine exotique. Une reine ? Non, une courtisane. « Je la plains !» déclara la tante Roseline qui, à force de jouer des coudes, était enfin parvenue jusqu'à Ophélie. « Ce ne doit pas être facile d'aimer un bonhomme qui a besoin de diamants pour se rappeler les femmes dont il partage l'intimité. »« Elle l'a accepté pour moi, » murmura Ophélie. « Monsieur Farouk me protège de sa cour, mais Bérénilde, elle, me protège de Monsieur Farouk. »« Au fond, je te plains encore plus qu'elle. » Je savais, Monsieur Thorne, peu sentimental, mais tout de même, il faut avoir des rouages à la place du cœur pour ne voir en toi qu'une paire de mains. Tu es pâle comme une ampoule, s'inquiéta la tante Roseline. Ta côte te fait mal? Ophélie venait de détacher la voilette de son chapeau, agacée de voir le monde à travers de la dentelle. C'est ma propre bêtise qui me fait mal. Notre famille va débarquer d'un jour à l'autre. Et la sécurité de tout le monde dépendra de ma prestation sur scène. Vous me voyez vraiment en conteuse ? La tante Roseline ouvrit et referma la bouche, visiblement embarrassée par la question. Puis elle saisit Ophélie par les épaules. Fuyons ces courtisans tant qu'ils regardent ailleurs. Nous attendrons Bérénilde de dehors. Et attention où tu poses les pieds. Ton écharpe n'a aucune tenue. Ophélie eut un dernier regard pour l'estrade de jeu où les nobles affluaient pour féliciter Bérénilde. Thorne s'y tenait toujours, mais il était la seule personne à ne prêter aucune attention à sa tante, entièrement absorbée dans la lecture du procès-verbal que venait de lui remettre le greffier. Ophélie détourna les yeux dès que Thorne releva les siens, luisant comme du métal, pour l'observer par-dessus la feuille dactylographiée. « Ce n'est pas le grand amour !» « Dites-moi !» La femme qui avait roucoulé ces mots s'avança entre les palmiers du jardin. De stature massive, elle était vêtue d'un voile aux pendeloques d'or qui devait peser formidablement lourd. Ophélie ne se sentit pas tellement rassurée en voyant le tatouage des mirages sur ses paupières. Elle le fut encore moins quand la femme enveloppa son visage dans ses mains et examina ses blessures avec une familiarité déconcertante. « C'est Monsieur Thorne qui vous a arrangé de la sorte, ma colombe ?» Ophélie aurait voulu répondre que c'était peut-être la seule chose au monde dont Thorne n'était pas responsable. Mais elle ne put que lâcher un éternuement. Il se dégageait de cette femme un puissant parfum capiteux qui faisait tourner la tête. « À qui avons-nous l'honneur ?» demanda la tante Roseline. « Je suis Cunégonde, » répondit la mirage sans détacher les yeux d'Ophélie. J'ai adoré ce que vous avez essayé de faire sur cette estrade, ma colombe. Nous sommes semblables, vous et moi. ses pendeloques d'or tintèrent comme des grelots quand elle leva le bras. Cunégonde désigna un mirage dans le cortège de courtisans. Son embonpoint était si majestueux, son allure si superbe, qu'on ne voyait pratiquement que lui. Une illusion très réussie faisait passer les rayures de sa redingote par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ophélie reconnut sans mal le baron Melchior. Elle l'avait croisé plus d'une fois dans les corridors du clair de lune quand elle y travaillait secrètement comme valet. « Votre bête noire à vous, c'est Monsieur Thorn, » souffla Cunégonde dans l'oreille d'Ophélie. « Ma bête noire à moi, c'est mon frère, le baron aux doigts d'or, le grand illusionniste couturier, le ministre des élégants. Il a même reçu la Légion d'honneur pour service rendu à la famille. Melchior a toujours eu droit au feu de la rampe quand on me condamne, moi, à rester une artiste de l'ombre. Et savez-vous pourquoi, ma colombe? Parce que ces messieurs pensent qu'eux seuls sont capables de faire tourner la machine ici haut. Que devons-nous faire pour sortir de leur ombre? Demanda Ophélie, atteinte droit au cœur par ce discours. « Alliez nos forces, ma colombe. Pourquoi devrions-nous être rivales pour de ridicules histoires de clans? Nous sommes des femmes avant tout, des femmes à l'esprit d'entreprise qui plus est. » « Enfin un discours sensé !» intervint la tante Roseline. « Je suis entièrement de votre avis, très chère madame. » Je rentrerais l'esprit tranquille sur Anima si je savais ma nièce capable de se débrouiller par ses propres moyens. Quelle sorte d'art pratiquez-vous? Le sourire de Cunégonde s'élargit dans un glissement de lèvres rouges. Je tiens des imaginoires, des établissements d'illusions coquines, si vous préférez. J'ai appelé les miens les délices érotiques, et croyez-moi, je ne les destine pas qu'à ces messieurs. À la façon dont la tante Roseline écarquilla les yeux, Ophélie sut que Cunégonde avait déjà cessé d'être une très chère madame. « Il n'y a que deux catégories de femmes dans l'entourage de notre seigneur Farouk. Celles qui cèdent leur charme et celles qui cèdent leur service. Si vous ne participez pas à son plaisir, vous ne survivrez pas longtemps ici. » Puis-je voir vos mains, ma colombe? Après une hésitation perplexe, Ophélie déboutonna ses gants de liseuse. De ses ongles rouges affûtés comme des lames, Cunégonde redessina les lignes de ses paumes avec une expression fascinée. Elles sont si petites et si ordinaires. Vous possédez pourtant les mains les plus craintes de toute la citatielle. « À cause du livre de Monsieur Farouk ?» s'étonna Ophélie. Cunégonde lui adressa un clin d'œil qui révéla fugacement le tatouage de sa paupière. « Les objets n'ont aucun secret pour vous. En d'autres termes, vous êtes susceptible d'éventer toutes les cachotteries de la cour, et elles sont innombrables. » Ophélie promena un regard plus attentif sur les nobles rassemblés autour des haies du jeu de loi et s'aperçut qu'on lui décochait de loin des coups d'œil hostiles. Les dames en particulier vérifiaient nerveusement leurs accessoires de toilette comme si le simple fait de perdre une épingle aurait pu les compromettre. « Je vous propose un marché, ma colombe, » reprit Cunégonde en serrant les mains d'Ophélie dans les siennes. « Je mets mes meilleures illusions à votre service. » Et je vous garantis un spectacle qui surpassera celui du conteur en titre. En échange, poursuivit-elle en baissant davantage la voix, vous laisserez traîner ici et là vos doigts pour moi. Elle se tenait si proche que son parfum suffoquait Ophélie comme une fumerole de volcan. Je vous remercie pour votre offre, répondit-elle en s'efforçant de ne pas tousser, mais je dois la décliner. Je ne lis aucun objet sans le consentement de son propriétaire. Le sourire de Cunégonde s'accentua. Ses ongles, eux, s'enfoncèrent dans les mains d'Ophélie. Vous déclinez? Je décline, madame. Il semblerait que je me sois méprise. J'avais cru voir sur cette estrade une jeune femme ambitieuse. Puis-je me permettre un petit conseil, ma colombe ? Ses ongles s'enfoncèrent plus profondément, et la tante Roseline ne put réprimer un mouvement d'inquiétude. « Ne dites jamais non à un mirage. »« Est-ce une menace ?» C'était Archibald qui avait posé cette question. Les mains dans les poches trouées de sa redingote, son vieux haut de forme posé de travers, il s'était nonchalamment approché. Deux vieillards l'accompagnaient, elle portait des vertugadins si amples et si noirs qu'elles ressemblaient à des cloches funéraires. Cunégonde relâcha aussitôt les mains d'Ophélie. « Une suggestion, monsieur l'ambassadeur, » répondit-elle en s'adressant davantage au vieillard qu'Archibald. « Une simple suggestion. » Sur ces mots, Cunégonde s'en fut dans un bruissement de pendeloques, non sans un dernier regard appuyé pour Ophélie. « Vous ne perdez pas un instant, fiancée de Thorn, » s'esclaffa Archibald. « À peine introduite à la cour, vous vous faites déjà une ennemie. » Et pas n'importe laquelle. Il n'y a rien de plus redoutable qu'une artiste désespérée. Ophélie reboutonna ses gants en grimaçant de douleur. Cunégonde n'y était pas allée de main morte avec ses ongles. Désespérée ? Releva-t-elle. Archibald sortit d'une poche de sa redingote un joli sablier bleu. Ophélie connaissait cet objet de réputation, même si elle n'en avait jamais utilisé. Il suffisait d'ôter la goupille pour déclencher le mécanisme et se retrouver transporté, le temps d'un tour de sablier, dans un endroit paradisiaque. Essaie de te représenter les couleurs les plus vives, les parfums les plus enivrants, les caresses les plus affolantes, lui avait expliqué une fois Renard. Tu seras de toute façon en deçà de ce que peut te procurer cette illusion. Les affaires de Dame Cunégonde ne sont pas florissantes, dit Archibald. Ces imaginoires font faillite les uns après les autres depuis que cette chère Hildegarde a mis ses sabliers bleus en service. Quel aristocrate irait s'afficher publiquement dans un lieu honteux quand il lui suffit de dégoupiller ceci en toute discrétion? Permettez-moi de vous présenter votre escorte, enchaîna-t-il à brûle-pourpoint. J'avais promis une protection à cette chère Bérénilde. La voici. D'un geste théâtral, Archibald désigna les deux vieillardes qui se tenaient silencieusement derrière lui. Leurs yeux pâles, entre lesquels le tatouage familial semblait dessiner une mystérieuse ponctuation, se posèrent sur Ophélie avec une froideur professionnelle. « Ce sont ces dames qui vont nous défendre ?» s'indigna la tante Roseline. « Des gendarmes n'auraient-ils pas été plus appropriés ?»« Vous logerez au gynécée, comme toutes les favorites de Farouk. » expliqua Archibald. Les hommes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Ne soyez pas inquiète. Les Valkyries sont les meilleures garantes de votre sécurité. Ophélie haussa les sourcils, impressionnée. Elle avait séjourné suffisamment longtemps au clair de lune pour avoir entendu parler des Valkyries. Ces femmes s'étaient spécialisées dans les escortes diplomatiques. Elles observaient chaque détail, écoutaient chaque conversation avec une attention scrupuleuse. Elles étaient télépathiquement reliées aux autres membres de la toile et certains d'entre eux avaient pour charge de consigner, nuit et jour, tout ce que les Valkyries voyaient et entendaient. Les personnalités confiées à leurs soins étaient sous bonne surveillance. Ces services-là n'étaient pas offerts au premier aristocrate venu. Ophélie redressa ses lunettes sur son nez de façon à regarder Archibald droit dans les yeux. C'était comme contempler le ciel à travers deux fenêtres. « J'ai été victime d'une terrible méprise. » « Je ne suis pas compétente pour raconter des histoires, monsieur l'ambassadeur. Vous m'avez offert votre amitié, pouvez-vous m'aider à dissiper ce malentendu ?» Archibald secoua la tête, avec un sourire mi-navré, mi-ironique. En dépit de ses cheveux mal peignés, de ses joues mal rasées et de ses vêtements mal rapiécés, il était insolemment beau. « Passez-moi l'expression, fiancé de Thorn, mais comme on fait son lit, on se couche. » Surtout avec Farouk. Je n'ai pas eu le temps de bien plaider ma cause. Si je pouvais démontrer le bien fondé de mon projet, votre projet, ricana Archibald. Vous voulez dire cette ridicule histoire de musée? Oubliez ça immédiatement. Vous n'intéresserez jamais personne ici avec une chose aussi ennuyeuse. Vous, suffoqua la tante Roseline, vous êtes plus grossier qu'une planche mal équarrie. Archibald pivota vers elle, extrêmement amusé par l'insulte. Non, ma tante, dit Ophélie. Il a raison. La lumière intense de la verrière faisait ressortir toute la poussière accumulée sur ses lunettes. Elle les ôta pour les essuyer dans la belle robe blanche que Bérénilde lui avait offerte, sans se soucier de se salir, et se mit à réfléchir furieusement. Elle avait eu des semaines entières pour explorer de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, et au lieu de cela, elle s'était raccrochée à son ancienne vie. « J'aimerais que vous regardiez attentivement ceci, » l'interrompit Archibald. « Je les ai empruntés au maître de cérémonie. » Il venait de sortir deux jolis dés, ceux avec lesquels il avait disputé la partie de jeu de loi. Il les tendit à Ophélie, mais c'est la tante Roseline qui s'en empara afin de les remettre elle-même à sa nièce. Elle avait assisté à suffisamment de débauches sous le toit d'Archibald pour ne tolérer ne serait-ce qu'un frôlement de doigts entre deux. Ophélie vit que toutes les faces des dés étaient vierges. Comprenez-vous, fiancée de Thorne, ils sont pipés. Le maître de cérémonie est un mirage. C'est lui qui décide quels chiffres doivent apparaître sur les dés qu'il lance. C'est pour ça que vous tombiez à chaque fois sur le puits, murmura Ophélie, frappée par cette révélation. Farouk gagne, toujours. Vous auriez pu lui proposer d'ouvrir une fromagerie. Il aurait décidé d'en faire une chocolaterie. Au même instant, une clameur joyeuse s'éleva dans le jardin de l'oie. Ophélie ne voyait plus l'estrade des joueurs, les palmiers et les fontaines lui obstruant la vue, mais elle supposa que la partie avait repris. Une nouvelle partie, avec de nouveaux dés pipés. « À moins d'être plus habile, » dit-elle en repensant au comte Boris, qui avait attendu la victoire de Farouk pour obtenir son domaine. « J'aurais dû lui proposer de lire son livre au lieu de parler du musée. Je me suis laissé damer le pion par Thorne. » Les yeux et le sourire d'Archibald s'agrandirent sous la même poussée de surprise. « Allons, allons, on ne vous a donc pas raconté ce qui est arrivé aux liseurs qui vous ont précédé ici ?»« On m'a dit qu'ils ont tous échoué et que Monsieur Farouk l'a assez mal pris. Je pourrais tenter ma chance. Je ne me fais pas confiance pour tout un tas de choses, mais je réalise d'excellentes expertises. » « Renoncez à celle-là, » dit Archibald sans la moindre hésitation. « Je vous ai bien observé tout à l'heure sur l'estrade. Vous avez failli tourner de l'œil parce que Farouk vous regardait. Imaginez un peu l'effet que produirait sur vous sa colère. J'ai vu des hommes pleurer du sang et devenir fous alliés après l'avoir déçu. Notre esprit de famille est incapable de se contrôler. » Ophélie secoua son pied toujours empêtré dans l'écharpe. Si Archibald avait voulu l'effrayer, il avait réussi. « Renoncez au livre, » insista-t-il. « Ma famille a failli se ruiner en engageant les meilleurs experts pour le déchiffrer, philologues, liseurs et compagnie. J'ai au moins retenu une leçon. Ce bouquin est une équation insoluble. Impossible à dater puisqu'il ne s'altère pas avec le temps, impossible à traduire puisque son écriture n'a pas d'équivalent. Artémis, notre esprit de famille, possède un livre semblable dans sa collection privée, fit observer Ophélie. Tous les esprits de famille en auraient-ils un? Il est difficile de répondre à cette question, chaque arche ayant ses petits secrets, dit Archibald avec un sourire énigmatique. « Mais laissez donc Thorne se briser les os à votre place. Vous ferez une adorable petite veuve. » En dépit du faux soleil, Ophélie frissonna de toute sa peau. Elle regarda tour à tour les deux Valkyries qui les écoutaient en silence avec une indifférence professionnelle, puis elle demanda, à voix basse. « Pourquoi Monsieur Farouk est-il à ce point obsédé par son livre ?» Archibald partit dans un tel éclat de rire que son haute forme tomba sur la pelouse. cette question, fiancée de Thorne, répondit-il une fois son souffle retrouvé, c'est probablement l'unique point commun que vous partagez avec tous les habitants du pôle. Le livre est la seule idée fixe de Farouk, je vous le dis, et je vous le répète, dans votre intérêt, n'abordez plus jamais, au grand jamais, le sujet avec lui. Archibald récupéra son haute forme, le fit tournoyer dans les airs et le réceptionna sur sa tête avec une gestuelle de clown. Ophélie le considéra pourtant très sérieusement. C'était peut-être un provocateur et un égocentrique, mais au moins lui, il n'était pas faux. « Je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes ici qui se soucient de mon intérêt. Merci, monsieur l'ambassadeur. »« Oh, ne me remerciez pas. Plus je vous renseigne, plus votre dette envers moi grandit. Un jour, je vous réclamerai l'addition. »« Quelle dette ? Quelle addition ?» s'étonna Ophélie. « Vous m'avez offert votre amitié. »« Justement, les bons comptes font les bons amis. » Ne vous inquiétez pas, vous y prendrez tellement de plaisir que vous vous empresserez de vous endetter à nouveau. Ophélie trouvait navrant que le seul soutien valable dont elle bénéficiait à la cour vint d'un homme aussi concupiscent. Son passe-temps favori consistait à pousser les femmes à l'adultère. Si Ophélie n'avait pas été promise à Thorne, il ne se serait jamais intéressé à elle. « Je t'avais dit de ne pas avoir d'aussi mauvaise fréquentation !» s'exclama la tante Roselyne, que l'indignation rendait plus jaune que d'habitude. « Monsieur l'ambassadeur, je veillerai personnellement à ce que vous gardiez vos distances avec ma nièce !» Le sourire d'Archibald, extensible comme un élastique, n'en finissait plus de s'élargir. « Je suis désolé de vous contredire, madame Roselyne, car je vous apprécie déjà. Vous ne pourrez pas toujours avoir cette demoiselle à l'œil. Et vous non plus ?» Monsieur l'intendant. Ophélie se retourna si impulsivement que la douleur provoquée par sa côte fêlée lui coupa la respiration. Deux têtes plus haut, Thorne était là, juste derrière elle. Il se dressait comme un monolithe au milieu de la pelouse, une feuille dactylographiée à la main. Ophélie ne l'avait jamais vu à son aise nulle part, sur aucun siège, à aucune table, parmi aucune assemblée, mais elle devait admettre qu'il avait l'air particulièrement incommodé dans ce jardin exotique. La lumière crue faisait ressortir les deux balafres de sa figure et la transpiration coulait abondamment de ses cheveux pâles. Ça devait être une véritable fournaise sous son uniforme de fonction. Loin d'en être ramolli, il semblait au contraire crispé de la tête aux pieds. Thorne n'accorda pas plus d'importance à Archibald qu'il n'en aurait donné à un tapis. « Je suis venu vous remettre votre contrat. »« Surtout, épargnez-moi vos commentaires. » s'agaça Ophélie en lui arrachant le papier des mains. Elle s'était battue face à Thorne et elle avait lamentablement perdu. Il suffisait d'une seule critique, d'un seul sarcasme, pour qu'elle cédât pour de bon à la colère. Thorne ne se laissa pas démonter le moins du monde. « Je vous informe également que j'ai pu établir une liaison radiotélégraphique avec votre famille. Je suis parvenu à tous les rassurer sur votre sort et à reporter leur venue à plus tard. » C'était probablement la meilleure nouvelle de la journée. Pourtant, Ophélie vécut cette annonce comme un affront supplémentaire. Et il ne vous a pas traversé l'esprit que j'aurais été heureuse d'assister à cette liaison radio-télégraphique. Depuis notre départ, mes parents n'ont reçu aucune de nos lettres, et nous n'avons reçu aucune des leurs. Avez-vous la moindre idée de l'isolement dans lequel ça nous a plongés, ma tante et moi ? J'ai paré au plus pressé, répondit Thorne sans un regard pour Archibald qui semblait se régaler de la situation. La présence des membres de votre famille ici par les temps qui courent serait aussi dangereuse pour eux que pour nous. Je veillerai à ce que vos prochaines lettres leur parviennent. « Et votre contrat, à vous ?» demanda Ophélie. « Ai-je le droit d'en prendre connaissance ? Ou ce ne sont pas non plus mes affaires ?» Thorne fronçait continuellement les sourcils. Mais la remarque d'Ophélie les enfonça d'un cran supplémentaire. Il sortit une enveloppe d'une poche intérieure de son uniforme. « Je vous destinais ce fac-similé. Ne vous en séparez jamais et mettez-le sous le nez de Farouk aussi souvent que nécessaire. » Ophélie décacheta l'enveloppe. Elle fit tomber le papier qu'elle contenait, le ramassa sur la pelouse et le lut avec la plus grande attention. C'était la copie du contrat de Thorne. Tout était là. La mise en place des fiançailles avec une liseuse d'Anima, le nom d'Ophélie n'était pas mentionné explicitement, la date du mariage le 3 août, et même, déjà programmée pour novembre, la date de lecture du livre. Il apparaissait très clairement que la fiancée que Thorn aurait choisie serait déchargée de toute implication dans le présent contrat. Les lunettes d'Ophélie se rembrunirent quand arriva la contrepartie de la lecture du livre. En cas de succès, M. Thorn obtiendra un titre nobiliaire officiel et sa condition de bâtard sera désormais considérée comme nulle et non avenue. Ophélie sentit sa gorge se nouer. Toute l'ambition de Thorn tenait en deux lignes. Il l'avait arrachée à sa famille et mise en danger pour jouer les aristocrates. Bérénilde ne figurait nulle part. Il n'avait pas eu une seule pensée pour sa propre tante malgré les risques personnels qu'elle avait pris pour l'aider dans son entreprise. Thorn ne se souciait de personne. Ophélie décida de ne plus se soucier de lui. « Un jour, je paierai l'addition, » promit-elle à Archibald. « Laissez-moi choisir de quelle façon. » Je veillerai à ce qu'elle soit équitable. Archibald possédait une panoplie complète de sourires, mais jamais Ophélie ne l'avait vu grimacer de la sorte, comme si elle l'avait embarrassé. Cela ne dura qu'un battement de cils, car il donna bien vite une claque farceuse à son haute forme. « Je suis impatient de voir votre addition, fiancée de Thorn. En attendant, je vais prendre congé de vous. J'ai quitté le clair de lune trop longtemps. » dit-il en tapotant son petit tatouage frontal. « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. » Les souris, c'étaient ses sœurs qui les couvaient jalousement. Alors qu'il tournait des talons sur une pirouette, il faillit se cogner à la tante Roseline qui s'était placée en travers de son chemin. Avec la pointe de son menton relevé, sa figure chevaline et sévère, son minuscule chignon dressé vers le ciel et ses mains jointes sur sa robe austère, elle était la personnification de la dignité féminine. « Monsieur l'ambassadeur, vous êtes plus lubrique qu'une salière. Je mentirais en prétendant nourrir une profonde sympathie pour Monsieur Thorn, » dit-elle avec un coup d'œil vers l'intéressé qui accordait plus d'attention à sa montre qu'à n'importe quoi d'autre. « Mais c'est lui, le fiancé légitime. Donnez-moi une seule bonne raison pour que je vous autorise à fréquenter encore ma nièce. » « Vous me donnerez cette autorisation, » affirma Archibald avec aplomb, « car vous serez la première à rechercher ma compagnie. » Sur ces mots, et alors que la tante Roseline ouvrait déjà une bouche outragée, il déposa un petit baiser sur sa joue. Ophélie retint son souffle, sa tante avait déjà classé les baisemains dans la catégorie des pratiques obscènes. Elle n'allait jamais accepter une telle familiarité sans répondre par une gifle magistrale. La gifle ne vint jamais. Ophélie n'en crut pas ses yeux quand elle vit le teint jaune de la tante Roseline se couvrir de rose et sa figure sèche se distendre sous l'effet d'une violente émotion. Elle contemplait Archibald comme si elle venait de s'envoler dans le ciel de son regard. Archibald adressa un dernier coup de chapeau à la tante Roseline, aux Valkyries et à Ophélie, puis il disparut entre les palmiers en faisant joyeusement tournoyer la chaîne de son sablier bleu. « Ma tante ?» s'inquiéta Ophélie. « Vous vous sentez bien ?» En vérité, elle semblait avoir rajeuni de 20 ans. « Comment ?» bredouilla la tante Roseline. Bien sûr que je me sens bien, quelle question! On étouffe sous cette verrière, ajouta-t-elle en s'éventant nerveusement. Sortons! Ophélie la regarda s'éloigner, absolument déconfite. C'était une chose de voir toutes les dames de la cour tomber sous le charme d'Archibald, c'en était une autre de voir sa propre tante y succomber également. Je pense que vous alliez à Archibald était une mauvaise idée, commenta Thorn en remontant sa montre à gousset. Ophélie leva la tête vers lui avec toute la contenance qui lui restait. « Bien, c'est tout ce que vous aviez à me dire. »« Non. » L'acier du regard de Thorn avait durci maintenant qu'ils étaient seuls. Ophélie s'en doutait. Après la façon dont elle avait cherché à le contrecarrer publiquement juste sous le nez de Farouk, elle ne pouvait pas espérer réchapper à ce qui allait suivre. « Livrez-moi le fond de votre pensée, » s'impatienta-t-elle. « Qu'on en finisse. »« Ce que vous avez fait tout à l'heure sur cette estrade, » dit Thorn d'une voix lourde comme du plomb, « c'était courageux. » Il rangea sa montre à gousset dans sa poche d'uniforme et s'en fut à son tour, sans un regard en arrière.